Salut Georgia. Ça fait un bail, hein? Je fais ça. Et après, je fais exactement pareil. Et si je me suis pas trompé, ça fait ça. Ah bon, on est en 16 maintenant. Bon, bah alors. On était en 32 tout à l'heure. Ah non, ouais, d'accord, on est en. Bah, c'est avec 16 mesures. Hein. Je comprends plus là. Je fais toujours la même chose alors. 3, 4 et... À chaque fois, je prends les mêmes trucs, mais on s'en fout. Oui, le mi à la fin du quatrième tour. Moi je faisais un ré. Ah oui, mais moi je suis en capot. Ok, allez. Merde, j'ai raté le départ. Ok, let's go. Yeah. pas trop fort mon son. Yeah. C'est Dorothée ? Ouais, attends. Montez le son alors. Dorothée, faudrait que tu te synchronises. Ariane et Dorothée. C'est qui part sur le temps? Dorothée, il faut que tu te mettes. Tu choisisses le tempo, je sais pas. Hélène, AB Productions. Elle fait peut-être la batterie. Ah, c'est toi Philippe. Ah, parce qu'en en ce moment, j'en vois un qui vient souvent, c'est le français d'un, le français 2, français 3, je sais pas qui c'est celui-là. Marie, je vous entends plus. Marise. Oh, tu viens Philippe ou quoi? Qu'est-ce que tu fous là dans le long? On croirait que c'est moi quand je suis au boulot. Thank you.